Pendant les Jeux olympiques, Dolbo Auto est en mode olympique avec des spéciaux dignes de la médaille d'or. Le Silverado, 0% sur 72 mois ou encore le Sierra, 98$ par semaine pendant 48 mois. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Walberg, Dolbo Mistassini au 418-276-0580. Le propriétaire, M. Stéphane Fortin et toute son équipe souhaitent la meilleure des chances à Marianne Saint-Gelais et à Cassandra Bradette pour les Jeux de Pyeongchang. Vous pensez que Canadian Tire, c'est des outils, de la quincaillerie, de la peinture, du saisonnier. Mais nous avons aussi une multitude d'équipements sportifs offerts à très bon prix. Surveillez notre circulaire tous les jeudis pour en savoir davantage. Canadian Tire, commanditaire de l'équipe olympique canadienne. 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini. 418-276-2385 ou canadiantire.ca. Le propriétaire Ken Bennett souhaite la meilleure des chances à Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette aux Jeux olympiques de Pyeongchang. De la grande visite ce matin à Albanel, à l'école Sainte-Lucie, le champion olympique Jean-Luc Bossard. Bon matin, Jean-Luc. Bonjour. Jean-Luc, dans quel but t'es venu à Albanel en direction de Pyeongchang? T'arrives de Pyeongchang en plus de ça? Oui, le décalage horaire est quand même assez fort, d'autant que j'ai écouté le match de hockey féminin la nuit passée, là, comme beaucoup de gens. Et bon, c'est tout un dénouement. Hein. Les équipes ont fait un travail extraordinaire. Mais c'est un programme qui a été mis en place avec conjointement avec le gouvernement du Québec qui s'appelle Sport Aide, mais Sport Bien-être. Et c'est un programme qui a pour but de promouvoir l'activité sportive, mais en respect des uns des autres. Okay. On a vu dernièrement, il y avait beaucoup d'épisodes, entre autres d'intimidation, de gens de spectateurs qui engueulaient les arbitres, qui manquaient de respect en quelque sorte. On était loin des vraies valeurs de l'esprit sportif. Alors, Guylaine Dumont, qui est une ancienne voleuse de plage, qui a déjà vécu des phénomènes d'intimidation quand elle-même était athlète, a parti ce phénomène-là qui s'appelle Sport Aide, d'être une plateforme pour venir en aide aux gens qui en ont besoin, qui sont victimes d'intimidation dans le milieu sportif. Mais au-delà de ça, d'abord et avant tout, on avait une plateforme qui s'appelait Sport Bien-être, qui, elle, est pour donner des bons enseignements à comment se comporter entre coéquipiers, coéquipières, avec les arbitres, les entraîneurs, donner un bon mode d'emploi finalement pour bien faire du sport de la bonne façon. Alors, la tournée des écoles du Québec par les 5 ambassadeurs, Chantal Maccabée, Patrice Bernier, Karine Paquin, Guylaine Dumont et moi, bien, c'est un peu de dire qu'il y a moyen de faire du sport pour les vraies valeurs, pour les vraies raisons qui nous ont toujours habités, sans être victime d'intimidation ni rien de ça. Ce genre de conférence-là, est-ce que tu en donnes régulièrement ou... Bien, j'en ai donné plus dans mes années de compétition, dans les années 94 jusqu'à 2002. Par la suite, les compétiteurs actifs en ont donné plus que moi. J'avais comme pris un peu une pause de tout ça. Mais depuis les événements qu'on a connus au Comité olympique canadien et tout ça, ben c'est redevenu sur la sellette d'essayer de ramener le sport à sa juste valeur, là, qui est d'abord avant tout de s'épanouir en faisant un exercice physique, et non pas de victoire à tout prix, puis de planter son adversaire, de l'abattre, de piler dessus, comme c'était souvent véhiculé dans les médias dernièrement. Alors je suis revenu dans ce cercle-là de conférencier un peu pour les écoles. Jean-Luc, t'arrives de Pyeongchang. J'ai essayé de t'appeler avant que tu partes de Pyeongchang, justement, parce que tu as fait une sortie au franc-tireur. Tu disais que tu avais perdu un petit peu ton illusion face aux Jeux olympiques, face au comité olympique, des histoires de dopage. Là, tu arrives, tu sais exactement ce que c'est. Est-ce que tu t'es réconcilié un petit peu avec le CIO puis avec suite aux Jeux de Pyeongchang? Bien, aux Jeux de Pyeongchang, ce qui est fantastique, c'est que quand les épreuves ont lieu, on voit des athlètes qui sont là pour la noble cause. C'est des athlètes qui se surpassent, qui se dépassent sur des sites extraordinaires. Alors ça, c'est fantastique. Les athlètes, il ne faut rien de dire à ces gens-là. Ils sont extraordinaires, ils sont là pour vraiment les bonnes raisons. Mais je pense qu'il y a encore du travail à faire au niveau du Comité olympique international pour garder les choses dans une perspective humaine, dans le sens qu'un exemple, au jeu de Pyeongchang, les épreuves de ski alpin avaient lieu dans un parc national. Alors, au nom de l'Olympisme, bien, le comité organisateur est rentré dans le parc national comme si c'était n'importe quelle terre, puis on disait, bien, on va faire des pistes pour 2 semaines d'utilisation. Mais là, le bulldozer, la neige artificielle, la construction d'hôtels au pied des pistes. Alors, on se dit, est-ce que les Olympiques ont préséance sur le bien-être de toute une population sur un parc national, en exemple, entre autres? On sait que aussi les prochains Jeux olympiques de Pékin, ben, ont lieu dans un pays totalitaire. Alors, même si le pays dit « Ah, on va être transparent, on va dire qu'est-ce qui se passe », il ne faut pas oublier que les Jeux de Pékin en 2008 ont quand même coûté 47 milliards de dollars. Là. Alors, ceux de Sochi ont coûté 53, mais ceux de Pékin ont coûté 47 milliards. On a mis de côté, on a fait évacuer des milliers de personnes, de la population, pour faire place au stade. Et ces gens-là sont partis. On n'a jamais vraiment su ce qui est arrivé. On ne pense pas qu'ils ont été déménagés, dédommagés. On n'a aucune idée de ça. Et aux Jeux de Pékin, en 2022, les épreuves de ski alpin ont lieu sur une montagne où il n'y a pas de neige. Alors, il neige pas sur cette montagne-là, même que le territoire comme tel est un territoire qui est en sécheresse constante. Alors, les réservoirs d'eau, les faibles réservoirs d'eau qui en ce moment sont utilisés par les fermiers pour leur culture, les fermiers auront plus droit à ces réservoirs-là pour faire de la neige sur les sites olympiques. Alors, moi, je fais partie de ceux qui disent, le Comité international olympique devrait dire à ces pays-là ou à ces comités organisateurs-là, non. On peut trouver une, même si c'est pas les specs exacts d'une descente olympique, on peut trouver un endroit où ça ne mettra pas en jeu la survie de certaines familles ou la survie de certains fermiers qui ont peine à même arriver à manger. Et là, tout d'un coup, on leur enlève leurs faibles ressources qu'ils ont pour faire un gros power-up qui dure 2 semaines. Et moi, je suis convaincu que les athlètes sont pas d'accord avec ça non plus, mais sont un peu victimes de la décision des dirigeants du comité. Il me reste 3 petites questions rapidement. Oui. Comment c'était à Pyeongchang? Parce qu'il y a eu des menaces, 6 mois avant, on pensait même pas qu'on avait des doutes que les Jeux soient même annulés. Comment c'était? Ah, c'est très bien passé. C'était des Jeux qui étaient... quand on était sur les sites olympiques, évidemment, les compétitions étaient extraordinaires, mais quand on sortait des sites olympiques, il manquait un petit peu d'atmosphère, honnêtement. C'était une manière de faire qui est peut-être coréenne, je ne sais trop, mais il n'y avait pas la même ambiance, disons, la même électricité que j'ai connue à d'autres Jeux. Quand tu as remporté une victoire à les Lamas, ça a donné des Michael Kingsbury. Michael Kingsbury vient de gagner. Ça va être quoi l'impact sur le sport? Bien, autant Michael que les filles de hockey, je pense que même les gens de... Mais moi-même, j'avais plus hâte à la finale féminine de hockey que la finale masculine de hockey. Alors, c'est extraordinaire le tremplin pour le sport en général que les Jeux procurent. Moi, j'ai eu un certain impact, mais c'était en 1994. Internet n'existait presque pas à l'époque. Puis ça a eu un impact. Alors, mais ça prend du monde pour défricher pareil. Mais Michael Kingsbury, maintenant, avec les réseaux sociaux, toute la couverture médiatique qu'il y a eu, ça va être extraordinaire pour le sport. Ça va inciter des jeunes à essayer de faire du ski de bosse. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'ils puissent faire de l'exercice physique. On en est rendu là dans notre société. Il faut que les gens fassent du sport, tout simplement, à la base. Je veux pas faire de politique. C'est la dernière question. J'aime pas faire de la politique avec le sport, sauf qu'il faut que je te pose la question. Tu fais partie du comité olympique ou tu as déjà été un comité olympique? Comment tu trouves ça que le Hockey Canada a décidé, a demandé que les joueurs à notoriété francophone, connotation francophone, les René Bourque, on prononce René Bourque? C'est ordinaire. Oui, ça, c'est vraiment ordinaire. Je pense que c'est davantage le power trip d'une personne. Il ne faudrait pas mettre tout le monde dans le même bateau, là, même si c'est assez facile de le faire. Je pense que c'est plus le power trip d'une personne. Honnêtement, je pense que cette personne-là aussi va avoir droit à une remontrance en disant « Écoutez, là, on n'avait pas besoin de ça », parce que l'équipe en général n'a pas besoin de ça non plus. Tout ce qui est distraction inutile, c'est vraiment distraction inutile, le mot le dit. Alors, quand ce monsieur-là a décidé que ça sonnait mal à ses oreilles, ben, tu me dis, tu prends ton gaz égal et puis tu le dis pas. Mais c'est évident qu'en tant que francophone, moi non plus, j'aime pas ça, entendre ça, ces histoires-là. Mais il faut aussi faire la part des choses en disant que c'est probablement simplement une personne qui est dans le tard et non pas une équipe au complet, et que probablement cette personne-là a déjà reçu des avis en disant « Écoute, là, concentre-toi à entraîner et mets-toi pas d'autres choses. » Jean-Luc Bassard, très intéressant. Bienvenue chez nous. Merci. Jean-Luc Bassard, l'ex-olympique.